Bon week-end, jeune homme. Vous êtes beau et mignon. Allez. Allez, messieurs, dames, des petits cadeaux, des petites remises. Un petit échantillon publicitaire exceptionnel. Hein. Tenez, je cherche un petit cadeau, jeune homme, pour votre fiancée. Bien, ma biche. Allez, donnez-moi votre petite main. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Allez, où votre petite femme? Comment elle s'appelle? Léa. Viens chercher un petit cadeau, Léa. Alors, viens, Léa. Viens chercher un cadeau, ma biche. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, regarde, c'est que du bonheur ici. Alors, sans moi celui-là. Tu sais, nous, on ne vend pas de contrefaçon de parfum, on ne vend que les senteurs de la parfum. Hein. Alors, voilà un parfum qui ressemble naturellement à Scandale. Par contre, beau gosse, pour toi, je te mets celui-là. Donne-moi ta petite main, là, regarde. Ça, c'est le sauvage, tu l'emportes. Là, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Regarde bien ce que je vais faire aujourd'hui. Tiens, on n'a pas le droit de le faire, je te mets le Angel, tu l'emportes. Là, je te donne celui-là, regarde, en forme de cœur. T'emportes aujourd'hui le Amor. Et là, je vais te poser une question, ma biche. Il y a un parfum pour les hommes. D'habitude, c'est vendu 30 euros. Moi, c'est mon anniversaire. Moi, mon patron, il m'a dit, tu vas à Saint-Omer, tu fais que des cadeaux. Ah, regardez. Regardez, ça, c'est le 1 million pour le beau gosse. Je ne vais pas vous demander 30 euros, ma biche. Comme c'est mon anniversaire, je vais vous demander 20 euros. Ça, c'est cadeau, vous ne le payez pas. Ça, c'est cadeau, tu ne le payes pas. Ça, c'est cadeau, ça, c'est cadeau. Et, comme j'ai envie de vous gâter parce que Léa est belle, regarde, ma biche, je te donne ça en cadeau. Tu le payes pas, tu l'emportes dans la collection. Là, je te remets le petit J'adore. Tu l'emportes aujourd'hui, ma biche. Et puis tiens, allez, comme on n'a plus de masque, on a le droit de mettre du rouge à lèvres, et je t'en veux le petit rouge à lèvres. On y va, ma biche? Léa, offre lui à ta petite femme, elle est belle, mon copain. Hein. Allez, on y va, ma biche, tiens. Allez, chez Mimi, tout est permis, la vie est belle. Alors, regarde, ma biche, comme je t'ai dit, ça c'est cadeau, ça c'est cadeau, ça c'est cadeau, ça c'est cadeau. Nous, depuis le 1er février 2002, on est toujours au même prix, hein. Ah, regarde, ma biche, ça c'est cadeau, tu payes juste celui-là pour ton petit chéri. Voilà, ma petite Léa, merci, ma biche. Tiens, beau gosse, voilà, merci. Mademoiselle, mais... Ah, merci, t'es gentil. Par contre, je vais te faire un aveu. Alors, moi, j'ai l'âge de la Tour Eiffel, c'est tous les jours mon anniversaire, je donne la petite Tour Eiffel parce que t'es belle. Voilà. Ben oui, j'aime bien rigoler, moi. Tiens, ma biche, mais cherche... Voilà, moi je suis un perroquet, alors comme ça vous pouvez bien m'enregistrer. Je dis bien des bêtises, les gens ils aiment ça. Ça fait vivre le marché de Saint-Omer, ça, voilà. Merci monsieur, voilà, c'est ça quand on parle, quand on fait, on dynamise un marché, voilà. Merci monsieur, tu vois, l'animation du marché de Saint-Omer, c'est Bibi. C'est le perroquet, voilà ma biche. Allez, eh oui je suis un perroquet, mais toi tu manques des perroquets, j'ai plus rien, des perroquets en cactus. Tiens ma biche, donnez-moi votre petite main, allez, que du bonheur, que du cadeau, que du beau. Allez, allez, allez, messieurs, dames, tenez, madame, un petit cadeau. Allez, messieurs, dames, des petits cadeaux, des petites remises, des petits échantillons publicitaires exceptionnels.